Et j'aime ça, que je swing sur le beat, puis ça, que je prends des risques comme ça. Et celle-ci l'a fait pour moi, neurone en HP for life. Fancy et toute ma smala, même si je ne représente pas Underdogs, la mixtape alternative. La crème de la crème pour que le hip-hop reste en vie. Vie, vibre dans les enceintes, des voitures, dans les chambres. Des MC, des beatmakers qui assurent. Ok, le concept est super simple, réunir des gens qu'on apprécie, des gens qui se bougent le cul, qui méritent un maxi, un maximum d'attention, de considération pour leur dévotion et leur passion du son. Ici y'a que des passionnés, des mecs qui taffent à côté, qui peaufinent dans l'ombre leur art sans penser au futur succès. Des mecs tu vois pas dans les bars, dans les soirées hype et rasoir, mais en concert, sur la scène, devant ou derrière les potards. Underdogs, mixtape alternative 2006, 6, 6, 6. Panorama de rappeurs qui déchirent, d'artistes éclectiques d'un nouveau style. Pas dans les bacs, encore moins à l'attaque. C'est du lourd, du bon son qui tamasse les méninges. Écoute le mélange, rapide ou lent, comme ça s'arrange. J'ai crié un truc pour crier One Up, qui kill tous les killers de chez WAM. Les crétins qui grattent m'écoutent et qui écoutent m'égratent. Toutes les voix qui me foutent les boules tous les jours où je me roule en boule sur la couette. Quand ça me gratte, je me gratte les boules. Texas Touch saute du lit pour Steve et SLJ. Parce qu'on a quelque chose à dire à tous nos amis assis au ciné, à sceller de scène et décider à céder à nos CD qui sont pas venus au concert et qui vont le regretter. Arco, Cree, One, SLJ, Fab, One. Y'a du monde sur ma démo. Pas des modés d'un poil au poil pour tout et top. C'est pas de tout repos. On se donne un peu de mal pour être au top niveau. J'ai Steve, on brade Steven Tyler. ASR, LMR, t'as l'air de quoi toi freestyler. Avec tes airs, je reviens sur terre. Underdogs, la démo. Écoute avec ton cerveau. Mets ton bec dans les bacs, on monte toujours plus haut. Underdogs, mixtape alternative 2006, 6, 6, 6. Panorama de rappeurs qui déchirent, d'artistes éclectiques d'un nouveau style. Dans les bacs, encore moins à l'attaque. C'est du lourd, du bon son qui tamasse les méninges. Écoute le mélange, rapide ou lent, comme ça t'arrange. Je reviens, j'ai pas fini. Merci pour le beat SLJ. J'suis trop content de kicker un beat aussi puissant qu'un quinri. Toujours les mêmes thématiques, c'est pas des mathématiques. Mon kiff, la partouze musicale et tous les jours je pratique. J'viens du punk rock, du grunge, du métal, j'ai pas honte de le dire. J'ai fait la guitare, de la basse, batterie, tout ça, ça m'inspire. C'est pour ça que mon flow respire, que j'prends des risques, ça m'amuse. Tout ça, c'est un gros délire, j'rappe même sur de la cornemuse. Les gens ne comprennent pas bien, ils attendent un cliché ambulant. Ils sont déçus souvent quand j'pose mes phases en chantant. Public rap, trop festif, public rock, trop hardcore. En concert, je crée la surprise et si t'aimes pas, bah tu sors. Tout ça pour dire que même si sur la tête, sur les gens super ouverts, des gens sincères qui se respectent et qui ont chacun leur manière de faire. On parle de tolérance, d'amour, de délire débile et d'égoterie. Underdog, c'est des bizarres qui va te décoincer du slip, slip. Underdog, mixtape alternative 2006, 6, 6, 6. Panorama de rappeurs qui déchirent, d'artistes éclectiques d'un nouveau style. Pas dans les bacs, encore moins à l'attaque. C'est du lourd, du bon son qui tamasse les méninges. Écoute le mélange, rapide ou lent, comme ça t'arrange. Underdogs, mixtape alternative.